Jojo. Ah, mon caca. Ah, ma case au bonbon. Ah, mon zuzu. Mes amis, je suis fatigué. J'arrive à peine de Californie. Je viens de témoigner en faveur de mon ami Michael Jackson. Oh, je peux vous dire, ça a été tendu. I call Mr. Helmut Parachute. Yo, yo, yo, yo, yo, c'est moi, it's Wham. Ça biche, Michael? You swear you're going to tell the truth, just the truth and nothing but the truth? Doucement, Bill Gates, tu me parles meilleur, hein? Mesdames, messieurs, ladies and gentlemen, I connais Michael depuis long time. He's not a pédophile. Il est juste gentil avec les petits garçons. Is it one problem de dormir tout nu avec ses amis maintenant? Mais bien sûr que non. Alors je vous en prie, n'allez pas croire ce petit trou de balle de... Attendez, je reformule. N'allez pas croire ce petit con qui prétend s'être fait toucher la nouille par mon ami. Oui, je sais. Oui. Ah, vous savez, c'est facile d'accuser son bienfaiteur. Ouais. Moi, je me souviens, c'était... Oh oui. C'était en 1988. J'avais hébergé... Par pure sympathie et bonté, hein? Une jeune étudiante en arts plastiques qui venait tout droit du Danemark. Eh bien, figurez-vous que deux semaines après lui avoir rendu service en l'hébergeant contre trois fois rien, du style le ménage, les carreaux, la vaisselle et le repassage, elle a porté plainte pour harcèlement. Tout ça parce que soi-disant je l'obligeais à travailler toute nue. Mais c'était pour son bien que je lui avais suggéré de se mettre à son aise. On était en plein mois d'août et elle allait crever de chaud, la pauvre enfant. Et bien heureusement qu'après avoir été jugée coupable une première fois, la fille a retiré sa plainte. Mais Gunther avait gentiment retenu sa famille en otage. Ou sinon, j'étais condamné. Alors, mesdames, messieurs les jurys, ne commettez pas le même impère. Laissez partir mon ami Michael. Laissez-le redevenir l'idole de cette jeunesse désœuvrée qui a plus besoin de rêves et de musique que des calomnies. Ah, je sais que c'est tentant de brûler ces idoles, mais, ne croyez-vous pas qu'il est plus simple et plus sain de les laisser nous enflammer? Je vous remercie de votre attention. Vive le Tyrol libre! Eh ben, je sais pas ce que ça va donner mon témoignage, mais en tout cas, j'ai mis le paquet, bon Dieu! Bon allez, faut que j'aille faire pipi. Au revoir.